comme un oiseau du ciel d'été. Il vient, il va, se pose quelquefois, et puis soudain s'envole. Tous les amants le savent bien, il vous attend sur le chemin. Le temps.